Yeah. Yes, man, merci. Angst. Hi, Angst. Angst, il était. On pourra dire qu'Angst, il était. We'll be right back. Les oiseaux chantent. Ici les oiseaux. Fadi, t'as un super son. J'aime beaucoup ton son, clairement. Et ça, c'est le son du solo qui était longtemps mon préféré. You know, we got to take the power back. Tu le sais, mais tu t'en contentes. C'est pas important. Il gère tout, c'est un peu ta maman. Tu t'en... C'est pas que tu sois content, mais tu t'en contentes. Tu le sens, tu le sais depuis le temps. Mais tu leur donnes ton sang, réserve tes mains. Mais putain, mec, qu'on est, qu'est-ce qu'on est? We'll be right back. Thank you. We'll be right back. Thank you. support the trumpet. Savoir que maintenant il y a de tout. Il n'y a pas que des jeux vidéo, il n'y a pas que des gars comme chaud, il y a aussi des gens qui font de la zik et des gens qui parlent de tout et de rien. Il y a aussi des meufs qui sont à poil dans des piscines et des robots qui leur demandent d'enlever leur. Et surtout, thank you. Thank you.